évidemment. Merci beaucoup Stéphane. À demain. Tout pile 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir en compagnie de Céline Landreau. Tout d'abord, Gérard Collomb qui invite ses homologues italiens et espagnols à Paris pour évoquer les questions migratoires. La réunion annoncée par le ministre de l'Intérieur après la passe d'armes diplomatiques du jour restait silencieux jusque-là. La France a proposé d'aider l'Espagne à accueillir les migrants de l'Aquarius qui arrivera vendredi à Valence. Mais Emmanuel Macron a aussi dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité des autorités italiennes qui ont refusé de laisser le navire de SOS Méditerranée accoster sur ses côtes. Réponse cinglante de Rome qui refuse de recevoir des leçons hypocrites de pays comme la France. L'Aquarius, lui, a pris la direction de Valence en Espagne accompagné donc de deux navires italiens à bord des trois bateaux, les 629 migrants secourus en Méditerranée. La prise d'otage aura duré un peu moins de 4 heures à Paris. Le forcené a finalement été interpellé peu avant 20 heures. L'homme de 26 ans s'était retranché dans un immeuble de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Deux otages ont été libérés par les forces de l'ordre. L'un d'eux était aspergé d'essence. Les motivations du forcené restent floues. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Nouvelle réunion actuellement au ministère de l'Agriculture. La première cet après-midi n'a rien donné entre les représentants syndicaux et le ministère. Les blocages des raffineries et des pots de carburant se poursuivent donc ce soir, toujours pour protester contre l'importation de produits non conformes aux normes françaises. Le foot, Céline, Kylian Mbappé rassure les supporters, il va bien. Il l'assure d'un tweet, la blessure à la cheville qui l'a obligé à quitter l'entraînement collectif cet après-midi n'est pas grave, ce n'est qu'un coup, assure l'attaquant des Bleus, qui pourrait donc jouer samedi face à l'Australie pour le premier match de l'équipe de France en Russie. C'est notre fil rouge, ce soir fil rouge nostalgie avec les champions du monde de 98 qui se retrouvent donc 20 ans après sur le terrain de la U Arena face à une sélection FIFA. Isabelle Langer, de partout maintenant. Effectivement, de partout. On rappelle les buts France 98 ont été marqués par Thierry Henry sur une passe de Zidane. Et le deuxième but, c'est un coup franc de Zinedine Zidane. Franchement, c'est un match assez agréable à regarder, même si ça ne va pas à 100 à l'heure. Ouais. Mais en tous les cas, on y a du beau spectacle. Il y a encore de la bonne technique. Merci beaucoup Isabelle Langer, régalez-vous. La météo à présent, rebonsoir Louis Baudin. Rebonsoir, demain ça y est, enfin nous sortons de ce long épisode d'orage à répétition, ça a duré quasiment 3 semaines avec de fortes pluies, c'est encore le cas ce soir d'ailleurs dans les régions du sud. Demain donc retour d'un temps plus calme, plus ensoleillé, on change de masse d'air, donc fini les gros orages. Bon, il restera le matin quelques nuages, voire quelques pluies des Pyrénées aux frontières de l'Est, mais en cours d'après-midi en pleine, c'est bien le soleil qui finira par s'imposer avec l'aide du Mistral et de la Tramontane autour du golfe du Lion. Quelques averses possibles encore en montagne et seulement en montagne sur les Pyrénées, le Massif central ou encore du côté des Alpes. Puis côté température, nous serons à peu près dans des valeurs de saison, 10 à 13 degrés le matin, 20 à 23 degrés l'après-midi dans la moitié nord et 24 à 27 dans le sud. Merci beaucoup Louis Baudin. Mesdemoiselles, on se retrouve demain. Avec pour plaisir. Grand Soir, 22h-23h. Il est grand temps de retrouver George Lang. George Merci Lang. Toute l'équipe du Grand Soir. Ah, après les infos, c'est la musique. Ah bah oui. La collection va démarrer dans quelques secondes. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à demain. George. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380€ par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman au coût de 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. Et si on parlait de la French Touch Renault? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple, plus d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault reprend votre voiture 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. Offre valable du 1er au 30 juin sur toute la gamme Mégane, voire Renault.fr. French Touch, touche française. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW Série 1 M Sport Ultimate à 295€ par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du super modèle en photo, là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun, avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1/16i M Sport Ultimate à 295€ par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed dates, rencontre rapide. La reprise de la musique, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas.

début de cette soirée que nous allons passer ensemble dans la collection sur RTL, rtl.fr, et si vous habitez la Belgique, belle RTL. Bienvenue. Merci de nous être si fidèles. Après George Benson, je vous propose une jeune femme du nom de Elke Brooks. Et elle chante Pearl the Singer. Pearl the Singer. She stands up when she plays the piano. Elke Brooks avec Pearl the Singer. Vous écoutez la collection, voici maintenant un trio légendaire, culte, mythique. Crosby, Stills and Nash. À propos de Crosby, ou plutôt de Nash, ne nous trompons pas, Nash va nous faire paraître très bientôt un disque, un double CD, je crois, si j'ai bien compris, qui sera une compilation, et c'est lui qui a choisi les titres qui seront à l'intérieur. Donc en attendant cette compile, ce disque de Nash, crédité à Graham Nash, voici les trois, Crosby, Stills et Nash, avec une chanson très très belle, très douce, qu'on programme rarement d'ailleurs, mais c'est une erreur, et ça s'appelle Cathedral. En français, tout naturellement, cathédrale. 6 o'clock in the morning, I feel pretty good. So I dropped into the luxury of the lords, fighting dragons and crossing swords. with the people against the hordes we came to conquer. Morning, here it comes. I taste the warning. I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way. In the car and on my way to setting flowers on a table covered lace, and a cleaner in a distance finds a cobweb on her face, and a feeling deep inside of me tells me this can't be the made me say. The day he died, it was a birthday, and I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time. And I am high, up on the altar, high, up on the altar, Voici ce groupe américain que je vous propose depuis déjà quelques semaines, Delta Ray. My friends are always over, so I'm not alone. And the TV's on the second that they leave. Ghosts don't stand a chance against the radio. That's why I turn the music up to sleep. 'Cause there's no peace in quiet. À l'instant, c'était donc cette chanson d'un groupe qui vient de Caroline du Nord et qui s'appelle Delta Ray. Marianne Faithfull, c'est Crazy Love qu'on écoute maintenant. J'ai toujours aimé cette chanson, elle figure d'ailleurs dans une compilation, une des collections qui est sortie il y a quelques années. Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind.

Gray, Here Come the Renegades et Art Garfunkel maintenant. To that tall skyline I come, A Heart in New York. Flying in from London to your door. C'est ça la collection, la musique qu'on aime et rien d'autre. New York. Looking down on Central Park, where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. There's a heart that lives in New York. A heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes. Got money on your mind, and my words won't make a dime. It's worth the difference. So here's to you. Georges Lang. La musique que vous aimez, tout simplement, sur RTL. Shiver.

Making Love. La voix de Paul Rogers, le chanteur de Free, mais dans ce cas-là, c'est le chanteur de Bad Company. Quelle guitare, quelle chanson, les Who. No one knows what it's like to be the bad man. La voix de Roger Daltrey. To be the sad man. Et le titre maintenant. Behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated. To be faded. To telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my it's never free. Écrit par Pete Townshend. Bien sûr, c'était les Who. Superbe chanson. En tout cas, maintenant, on va écouter une fois de plus un extrait d'un album dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps. C'est l'album Revamp. L'album qui permet à des artistes de reprendre des chansons signées Elton John et Bernie Taupin. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Plein de choses. Là, je vous propose d'entendre Ed Sheeran qui reprend Candle in the Rain. Une superbe chanson. C'est marrant parce que toutes ces chansons sont fortes, on les connaît toutes, mais chaque artiste qui fait une reprise apporte sa contribution avec sa manière propre de la chanter et ça donne des choses assez exceptionnelles. Voici Ed Sheeran. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself. While those around you cooled, they crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name.

Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. La reprise de la musique, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison, si accordiac jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Il est minuit. Les infos, 24 heures d'infos, Céline Landreau. Sort de l'Aquarius vire à la passe d'armes diplomatique entre Rome et Paris. Emmanuel Macron, resté silencieux lundi, a dénoncé ensuite le cynisme et l'irresponsabilité des autorités italiennes qui ont refusé de laisser l'Aquarius arriver sur leur côte. La réponse de Rome ne s'est pas fait attendre. L'Italie refuse les leçons hypocrites de pays comme la France, ayant préféré détourner la tête sur les questions migratoires. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a invité ses homologues italiens et espagnols à Paris pour évoquer ces questions. En attendant, l'Aquarius a finalement pris la direction de Valence en Espagne, accompagné de deux navires italiens à leur bord. Les 629 migrants recueillis par l'ONG SOS Méditerranée, ils devraient arriver vendredi dans le port de Valence. La prise d'otage aura duré un peu moins de 4 heures à Paris avant que le forcené ne soit interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité. L'homme de 26 ans s'était retranché dans un immeuble de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de la capitale. Deux otages ont été libérés par les forces de l'ordre. L'un d'eux était aspergé d'essence. Le preneur d'otages n'était pas fiché pour terrorisme, mais connu des services de police pour des dégradations de biens privés. Ses motivations restent floues. Vers une privatisation des aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux. La loi Pacte sur la croissance des entreprises, qui doit être présentée lundi par le gouvernement, doit ouvrir la voie à la vente de titres de ces entreprises, mais on ignore encore combien de parts seront vendues par l'État et surtout à qui. Ces cessions doivent permettre d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation. La CFDT Cheminots fait un geste pour le bac. Elle suspend partiellement son mouvement de grève la semaine prochaine, en tout cas pour les trains du quotidien, les TER et RER. En attendant, le mouvement se poursuit. 30e jour de grève aujourd'hui. La direction de la SNCF prévoit 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Le foot et Kylian Mbappé qui rassure les supporters tricolores à 3 jours maintenant du premier match des Bleus, samedi face à l'Australie. L'attaquant qui a dû quitter le dernier entraînement blessé à la cheville assure que ce n'était qu'un coup, rien de grave. Thomas Lemar, lui, sait désormais qu'il prendra la direction de Madrid après le Mondial. L'AS Monaco et l'Atlético de Madrid ont trouvé un accord de principe pour le milieu offensif de 22 ans. La météo, 15 départements toujours en alerte orange, alerte aux crues et inondations dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest du pays. Alerte aux orages, cette fois dans le Rhône et en Isère, le temps qui va s'améliorer. Aujourd'hui, ce sera plus calme, plus ensoleillé. Il va rester quelques nuages et pluies en matinée des Pyrénées aux frontières de l'Est, mais l'après-midi en pleine, c'est le soleil qui va finir par s'imposer. Les températures 10 à 13 degrés ce matin, 20 à 23 l'après-midi dans la moitié nord, 24 à 27 dans le sud. Les courses à Auteuil, Bernard Glass vous propose de jouer le 2, le 3, le 6, le 4, le 8, le 7, l'As et le 11. Sa dernière minute, c'est le 11, Bon Fou d'Héry. RTL, 24 heures d'info. RTL, toujours avec vous. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Les Nocturnes, RTL. Évadez-vous en Californie. Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. Écoutez WRTL. George Lang.

les Rolling Stones en 2016 sur l'album Havana Moon, reflet de ce qui s'est passé pour leur concert gigantesque à Cuba. Après It's Only Rock and Roll, direction l'Apollo Theater à Manhattan. Le temple de la soul music. Sur scène, Darryl Legionaut, ainsi que deux anciens Temptations. C'est l'Apollo Medley. Vous aimez ça, j'en suis sûr. Darryl Legionaut et une partie des Temptations live, New York City. To me. I can stand, but I wanna keep you any way I can. Ain't too proud to be. You know what you could be. way you do the things you do. And too proud to beg. Get ready, c'est l'Apollo Medley. Live. Darylo Legionauts. Avec deux anciens membres des Temptations. Else, comme je me plais à le dire. La musique et rien d'autre. La nuit sur RTL. Enregistré à Las Vegas. Joe Bonamassa. Best Art. Give It Everything You Got, c'était à l'instant Joe Bonamassa avec Beth Hart. Et on va retrouver Joe Bonamassa maintenant avec un album qu'il a enregistré sans Beth Hart. Il s'agit de cet hommage au British Blues, ce double CD qui s'appelle British Blues Explosion Live. Allez, lâchez les chevaux. On y va avec ce Motherless Children que l'on connaît, interprété par Clapton. Mais ça, c'est la version de Joe Bonamassa, live. Sublime. I'm speechless quand j'entends ça. Qu'est-ce qu'il a dû écouter Clapton pour arriver à faire une autre version inspirée et non pas copier-coller. Allez, vas-y, Joe. Incontestablement, Clapton est l'un de ses maîtres. La version originale se trouve sur l'album de Clapton, 461 Ocean Boulevard. C'était en 1974. Et en 2018, Joe Bonamassa lui rend hommage. Yeah! massage. British Blues Explosion live. Reprise de Motherless Children, un titre que vous connaissez vraisemblablement et que vous avez peut-être découvert ce soir en écoutant les Nocturnes à la manière de Joe Bonamassa. On est très blues ce soir, mais c'est normal. Il y a eu quelques disques qui nous ont beaucoup plu ces derniers temps et notamment un disque d'Eric Clapton, un double CD qui s'appelle Life in 12 Bars. En tout cas, ce sont des titres qu'on connaît. C'est lui qui a compilé ça, Eric Clapton. À l'époque où il jouait seul, à l'époque où il était avec Derek and the Dominos, à l'époque où il était avec Cream, avec Blind Faith. Là, je vous propose une version live que vous n'avez peut-être jamais entendue, qui était enregistrée au Fillmore East, à New York. C'est la reprise d'une chanson de Jimi Hendrix, Little Wing. Et c'est notre powerplay cette nuit. Eric Clapton, dans les Nocturnes sur RTL et sur RTL.fr. Powerplay. rappelle le nom de ce double CD de Clapton, Life in 12 Bars. Version particulière, inédite sur ce double CD de cette chanson de Jimi Hendrix, Little Wing, enregistré au Fillmore East à New York. Vous écoutez Les Nocturnes sur RTL. Et voici une association qui a marqué l'histoire de la rock music. Emmylou Harris et Gram Parsons. Love Hurts. Chanson de Bud O'Brien qui a été un succès pour les Everly Brothers. Reprise ici par Parsons et Harris. when I leave here. I have no place to go, and it's much too late to change my name. I'm gonna take you with me when I go. I get older, but my troubles don't change. Work so hard with nothing to show, and it's much too late to change my name. I'll take you with me when I go. Just a stranger, even to the people I know. And I'm going to where the winds never change. I'm taking with me when I go. I get older, but my troubles so hard with nothing to show, and it's much too late to change my name. I'll take you with me when I go. C'était Ben Harper avec Charlie Musselwhite, When I Go, c'est le dernier album qui les réunit, le deuxième album d'ailleurs qu'ils font ensemble, un album qui s'appelle No Mercy in This Land. Vous écoutez les Nocturnes sur RTL. Voici une association qui nous a surpris. On a écouté ça il y a déjà quelques semaines, c'est Marcus Miller avec Selassou. Et c'est la reprise d'un titre hyper connu, mondialement connu, Que Sera Sera. C'est l'album de Marcus Miller, Led Black. Vous l'avez compris, Marcus Miller est un bassiste remarquable de jazz. Et ça s'entend. I was just a little girl. I asked my mother. What? Whatever we Marcus Miller à la basse. C'est la Sue qui chantait « Que sera, sera ». Les Nocturnes, toujours. Michael McDonald. Dernier album en date, « Wide Open ». Dark Star. Belle et douce nuit à vous. Et merci de nous avoir choisis. On this question of love and trust, I used to think us much too serious. But that was wrong for I lay drowning. And the thought of you, heart to the flame, it's an easy throw. There's so much more than first we know. See, you have to lose all you have to give to learn the truth. C'est Nocturne sur RTL après Michael McDonald. Et pour aller jusqu'aux informations de 1h du matin, voici Alanis Morissette, titre que vous allez entendre, qui figure dans la compilation Les Nocturnes, 45 ans de Powerplay. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them trying to spare undangling carrots? sont terminées. Je prends congé de vous et je vous propose de nous retrouver ce soir à partir de 23h pour la collection et juste après pour d'autres nocturnes. Si vous êtes au volant de votre voiture, comme d'habitude,